c'est lundi matin. Réveil brumeux. Je cherche en vain une bonne raison pour ouvrir les yeux. Hier, tout semblait si beau, si facile. J'avançais confiant et tranquille. En chemin, j'ai perdu toute envie. Depuis tant de matins sont gris. D'ombre en chimère, la vie me traîne, sans but ni repère. Je connais maintenant si bien la rengaine. J'ai trop longtemps